je prends racine en toi. Va, va, je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment tu n'es en. Tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière caméra, juste quelques plans. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es le feu qui brûle et je dors dans ton corps. Pour me réchauffer en toi, ô femme, femme, je te dédie ces mots à toi. Star de mes films secrets.